On va parler de football scolaire. Évidemment, ben, la saison de RSEQ va commencer très très bientôt. Est-ce qu'elle va se terminer? Ça, c'est une autre part. Mais quoi qu'il en soit, ben, William Saint-Pierre, qui n'a pas joué l'an dernier, qui est parti pour Sherbrooke pour jouer au football, ben, fera ses débuts avec l'équipe du Varéor. Et on lui parle. Salut, William. Salut, Danny. William, d'abord, j'imagine que tu es content de jouer, d'avoir une saison cette année. Ah, je te dis, la joie se fait sentir dans l'équipe. Tout le monde est très hâte de jouer parce que sans saison l'année passée, la plupart des gars qui sont à l'université, c'est pour jouer au football. Donc, on sentait qu'ils n'étaient pas très nécessairement heureux d'être là et qu'ils avaient hâte de refouler le terrain. Ça, on est très heureux de pouvoir refouler le terrain. Ça a-tu paru, William, qu'un an sur ton jeu, y a-tu eu plus de risques de blessures? Y a-tu eu plus. Comment ça s'est passé? Je te dirais que. On a eu une bonne préparation physique quand même. L'année passée, on s'était quand même préparé pour avoir une saison. Okay. Donc, c'est sûr, quand il y a eu l'annonce qu'on n'avait pas eu de saison, tout le monde a pris, je pense, si je ne me trompe pas, on a eu comme un 3 semaines ou un mois pour chacun aller de son côté puis se ressourcer un petit peu. Puis après ça, on a recommencé tout de suite l'entraînement avec vraiment comme mentalité qu'il allait avoir une saison cette année. Puis je te dirais que les coachs nous ont très bien préparé pour l'arrivée de cette saison-là. Les blessures, j'ai hâte de voir parce que c'est sûr que... En pratique, on se plaque pas nécessairement autant fort qu'en game quand on joue contre des adversaires. Donc, j'ai hâte de voir si ça va changer quelque chose là-dessus. Mais sinon, non, je verrais pas pourquoi il y aurait plus de blessures parce qu'on était bien préparé. OK, mais votre coach, j'imagine, a mieux travaillé, a changé un petit peu le cahier de jeu étant donné que c'était la première année, j'imagine. Vous n'avez pas joué l'an passé. Question de vous remettre dans le bain? Oui, ben c'est sûr qu'on a eu beaucoup de périodes, là, je te dirais, théoriques. On avait beaucoup de meetings pour assimiler un nouveau cahier de jeu. Bien sûr que on est 60 recrues dans l'équipe pour 40 vétérans. Ouais. Donc, je te dirais que le playbook était nouveau pour beaucoup de personnes. Okay. Donc, quand j'ai eu 60 recrues, je me compte aussi nous parce que on n'avait pas joué encore la saison universitaire en tant que tel. Donc, les 60, les deuxièmes années en tant que tel, on était quand même considérés comme recrues dans le sens qu'on n'avait pas joué. Donc, oui, ça a été l'apprentissage de Playbook. On a tout changé ça, mais je te dirais que tout était simulé pour tout le monde puis qu'on s'en va dans la bonne direction. OK. Dis-moi si on parlait un peu de ton temps de jeu. Est-ce que cette année, tu es assuré de jouer pas mal ou... Je te dirais que je le sais pas. Malheureusement, la semaine dernière, je me suis blessé. En fait, je me suis fait une élongation de l'adducteur. Okay. Ça, je te dirais, la physio me dit environ 4 semaines. Donc, je devrais possiblement être de retour pour... le match contre Laval. OK. Mais c'est ça qu'avec le changement de position que j'ai fait, là, je suis tombé receveur au lieu de demi-défensif. Donc ça, j'ai eu beaucoup d'apprentissage de position. Mais je te dirais que ça va très bien. Je connais mon playbook par cœur. Puis les coachs, ils ont vu de quoi j'étais capable. J'ai quand même eu un bon camp. Il me reste juste, mais que je revienne de ma blessure, de continuer à faire ça. J'espère être capable de me tailler pour vrai cette année une place sur une unité spéciale. Parce que je pense que c'est là que je vais pouvoir rentrer. C'est tôt la porte d'entrée hein, pour une recrue au football. Ouais, c'est tôt l'unité spéciale. Là. Exactement. Majoritairement, c'est par là qu'on passe. Parce que c'est sûr que justement, comme je te disais, j'ai de l'apprentissage à faire receveur. Donc, l'unité spéciale, c'est une bonne porte d'entrée pour moi. Donc, je vais continuer mon travail, mais j'arrive de ma blessure. Puis je pense que les coachs se rendent compte de quoi je suis capable puis que je connais mes affaires. Donc, ils vont me laisser ma chance. La plus grosse différence, c'est quoi entre le football collégial et le football universitaire? C'est la vitesse, c'est le jeu d'exécution? Oui, ben surtout, exemple, j'ai fait un an en division 1, puis par la suite, la division 3. Déjà là, il y avait une grosse différence sur la ligne, je te dirais, entre les deux divisions collégiales. Puis pour la profondeur dans une équipe aussi, il y avait beaucoup plus d'athlètes en division 1 qu'en division 3 par équipe. Je te dirais que de collégial à universitaire, oui, la vitesse de jeu est vraiment, vraiment, vraiment plus vite. Surtout quand on passe de la D3 à universitaire. Je te dirais que ça s'apprend bien, par contre, que quand tu mets, tu prends le rythme assez vite, mais ça joue très, très vite. Puis aussi, la grosse différence, je te dis, c'est le nombre d'essais. Et collégial, on a 4 essais, puis universitaire, on a 3 essais. Ouais, c'est un énorme changement parce que, tu sais, quand tu fais, en gros, t'as comme si deux jeux pour faire ton diverge au lieu de trois, mettons, au lieu avant d'embarquer les unités spéciales. Ça fait que les unités spéciales roulent beaucoup plus. Ça demande beaucoup plus de cardio parce qu'exemple, que tu as pris des reps offensifs, après ça, t'en vas-tu de tes unités spéciales, tu fais des sprints de 40 verges là, souvent pour aller chercher les bottés. Fait que je te dirais que ça demande plus de cardio, plus de concentration. Puis c'est un peu ça le changement qu'il y a entre le collégial et l'universitaire. OK. Si on parlait un peu maintenant, moi je me rappelle qu'on disait ta grosseur, mais t'as du cœur au ventre terriblement, mais ta grosseur, t'as un handicap. Parce que jusqu'à maintenant, ça a apparu. Je te dirais que non, parce que j'ai quand même eu un bon gain de masse musculaire cet hiver. Je te dirais que côté poids, ça va, je suis zéro hors de la game. Côté grandeur, c'est sûr que je suis plus petit, mais j'ai toujours été un gars très vite, très explosif. Donc, je compense par ça. Puis, je te dirais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas nécessairement grands dans l'équipe. Sur position de receveur, c'est plus rare un petit peu parce que on veut quand même que les gars soient capables d'aller chercher la balle partout. Mais je me démarque par, dans le fond, capable de trouver les entre-zones et puis d'être à la bonne place au bon moment. Fait que ça, c'est là-dessus que je me démarque par ma vitesse, puis comme ça. Il y a des joueurs qui réussissent très bien, encore plus petit que moi. Donc, non, je pense pas que ça va être. Ça va me négliger pour mon parcours. Bon, ben, William, on va te donner la meilleure des chances. On va s'en reparler tout au long de la saison. Un gros merci, Danny. Je te souhaite une bonne fin de journée. T'as mis William Saint-Pierre du Varéol.